Bon matin tout le monde, Danny Veillier, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 20 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local en parlant qu'un joueur de Saint-Félicien, Charles-Émile Bouchard, un joueur de football qui a participé récemment au championnat junior de football qui se déroulait en Chine. Une expérience que le joueur de Saint-Félicien va certainement ne pas oublier pour le restant de ses jours. C'est une expérience incroyable pour moi. Autant de au niveau culturel qu'au niveau football, ça a été vraiment l'expérience de ma vie. C'est tellement dépaysant être là-bas, c'est un pays complètement différent qu'ici. Donc puis le niveau était le plus haut que j'ai joué de toute ma vie, donc ça a été l'expérience de ma vie, effectivement, oui. OK. Si on parlait de comment se fait-il que tu es allé jouer du football en Chine? Charles-Émile Bouchard nous explique qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a joué ce championnat junior. Dans le fond, c'est la Fédération internationale de football américain. Okay. Qui font tous les deux ans un championnat international avec plusieurs pays. Puis chaque pays font leur équipe élite de 40 joueurs sélectionné partout au travers de leur pays. Puis j'ai été sélectionné par l'équipe canadienne de football qui sont venus me chercher après un camp d'entraînement qui se faisait à Dallas cet hiver. Ouais. Ils m'ont sélectionné pour faire l'équipe des moins de 19 ans pour aller jouer le championnat international en Chine à ce moment-là. OK. Donc, selon Charles-Émile Bouchard, les partisans chinois aimaient beaucoup le Canada. Oui, oui. Surtout qu'on était un pays très apprécié en Chine, le Canada. Fait que quand on jouait et qu'on faisait des bons jeux, les Chinois étaient applaudissaient, ils se levaient debout. Puis ils savaient apprécier les bons jeux qu'on faisait. Là. Okay. Fait que on avait une très bonne assistance. Toi, maintenant sur le plan individuel, est-ce que tu as joué beaucoup? Oui, j'ai... Parlons maintenant de golf. Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau a participé récemment au tournoi des qualifications du RBC. Ça, c'est le minimum canadien qui sera disputé en fin de semaine à Glen Abbey, tout près de Toronto. Pierre-Alexandre Bédard ne s'est pas qualifié. Il a joué 73, ça prenait 69 pour être qualifié. Il est quand même très, très content de sa performance. Bien joué, j'étais vraiment content de ma game. Les conditions n'étaient pas faciles. Des verres très rapides, très durs, avec du bon vent. Ça n'a pas joué fort. Puis, moi, j'ai fait deux bons coups, là, sur le premier 9 qui m'ont, probablement mes deux meilleurs coups de la journée qui ont tombé à peu près à 5-6 pieds du drapeau. Mm. Puis, je pensais que j'allais avoir une chance de birdie qui se sont transformés en double et bogey. Okay. Qui ont pas resté sur le verre. Fait que ça m'a fait que j'ai pas pu passer, mais je suis quand même content. Il y avait des bons joueurs là-bas. Non, c'était une belle expérience pour moi. Alexandre Bédard nous explique qu'est-ce qu'il manque pour accéder avec les plus grands. Que je frappe la balle, c'est vraiment solide. Fait que, tu sais, de ce côté-là, je pense que ça va bien. C'est vraiment plus au niveau de la short game, je te dirais. Potting, chipping, un petit peu de finition là, autour des greens pour essayer de pas échapper de le coup de moins possible. Parce que, dans le fond, c'est là que ça se passe. Pour faire des potes, les gars, on le voit à TV hier, Mickelson puis Stenson là, au tournoi de l'Omnium britannique. Les gars faisaient, ils potent. La balle est tout le temps proche du trou, puis c'est faut que je pense que là faut vraiment que j'améliore ma game de cette cause-là. Niveau mental, je pense que ça va bien. Je me suis pas senti trop stressé là-bas. Je me suis senti à ma place quand même avec ces joueurs-là. Puis je croyais en mes chances quand même. Puis tu sais, l'année prochaine, je vais essayer de me qualifier, puis je vais arriver là, puis je vais. Et on sait qu'il va participer en fin de semaine à Saint-Prime, à l'Omnium, au gros week-end de golf que les organisateurs du club de golf de Saint-Prime préparent. Il va être en compétition amicale avec Kevin Fortin-Simard. Une fin de semaine où le golfeur de Chibougamau aura beaucoup de plaisir. Ben, c'est sûr que je m'en vais là pour me faire du fun, première des choses. Ouais. Ça va être, je pense, une belle journée. Ça, c'est des belles journées de fun pour nous autres. C'est des journées plus relaxantes qu'on peut décompresser un peu en jouant au golf, en se faisant du fun. Ouais. Non, je pense que ça va être une petite compétition amicale. Puis on va faire du mieux qu'on peut. C'est sûr, l'année passée, ça avait été le fun. On se faisait du fun. Puis les quatre joueurs, on avait joué de l'excellent golf. Fait que je pense que cette année, c'est un peu le but là. On veut jouer le mieux possible pour attirer le monde. Puis faire du fun. Au Jeux du Québec qui se déroule actuellement à Montréal, la région a récolté 4 autres médailles hier. C'est des sœurs normands qui avaient brillé la veille qui ont continué à bien performer. Adèle Normand de Jonquière a signé la médaille d'or dans la catégorie minime sur l'épreuve sur route. Et sa sœur Florence a tant qu'à elle remporté la médaille de bronze. La natation a également fait sa part en signant 2 autres médailles, soit Catherine Laberge et Léane Julien qui ont remporté 2 autres médailles. Laberge a signé la médaille d'or et sa compatriote a raflé la médaille d'argent. Ce qui fait en sorte qu'au tableau des médailles, la région a mettant 12 médailles, soit 4 d'or, 4 d'argent et 4 de bronze. Et la centre civique du secteur de Dolbois a un nouveau coordonnateur. Il s'agit de Bernard Côté, qui est bien connu dans le monde du bénévolat de Boom-Sesny. Bernard Côté aura le mandat de développer le centre civique autant qu'au niveau des affaires qu'au niveau de la compétition et entourer les nombreux bénévoles. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Charles-Émile Bouchard de Saint-Félicien qui nous raconte son périple en Chine. Puis Alexandre Bédard vient nous parler des dernières semaines de golf pour lui un peu partout, soit à Toronto et également à Ottawa. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.